Bonsoir, vous écoutez La Face Cachée du Folk, l'émission qui démystifie les musiques traditionnelles tous les lundis soirs à 21h. Issue de la rencontre des courants folkloristes et du revivalisme folk, les musiques traditionnelles d'aujourd'hui proposent une palette sonore très large, difficile à classer. Loin de l'image vieillotte que le bal folk véhicule parfois, la professionnalisation de nombreux musiciens et l'évolution des danseurs ont fait entrer cet univers sur la scène des musiques dites actuelles. La Face Cachée du Folk a pour ambition de vous faire découvrir et apprécier cette palette sous toutes ses couleurs au travers d'interviews et d'extraits musicaux. La Face Cachée du Folk s'attache à montrer toutes les facettes, enfin en tout cas un maximum de facettes de l'univers des musiques et danses traditionnelles. Et une de ces facettes, c'est la formation. L'année dernière, vous avez pu entendre le témoignage de deux personnes qui étaient passées par le lycée de lutherie de La Châtre, donc fabrication d'instruments. Et aujourd'hui, avec Philippe Compagnon du pôle Aliénor, vous allez découvrir un aspect finalement dont on parle très peu, c'est la formation des artistes. Et notamment des musiciens, et plus particulièrement par rapport aux musiques traditionnelles. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe, tu fais partie du pôle Aliénor, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui. Donc le pôle Aliénor, ça fait partie des, je crois, 11 pôles sup qui existent en France, pôle supérieur de musique, où on fait donc des formations artistiques. Il y a une formation artistique qui donne le diplôme qui s'appelle DNSPM, Diplôme National Professionnel Supérieur du Musicien. C'est pour toute esthétique, c'est-à-dire qu'il y a des musiques classiques là-dedans, il y a une musique, il y a le jazz par exemple, et il y a parmi ceux-là, il y a aussi musique ancienne, mais aussi musique traditionnelle, donc pour laquelle j'occupe le poste de la coordination des musiques traditionnelles. Donc je suis ici au festival pour présenter cette formation particulièrement. Et donc ça vise des musiciens qui souhaiteraient se perfectionner en mieux connaître les musiques traditionnelles, ou est-ce que ça vise la formation continue, la formation initiale, la formation... Alors, les musiciens qui arrivent sont des musiciens confirmés déjà. C'est des études supérieures, après bac, et normalement après diplôme de conservatoire de type DEM. Mais bon, pour les musiques traditionnelles, on sait très bien que les gens ne sont pas forcément passés par les conservatoires. Il y a d'autres manières d'apprendre les choses et c'est tout à fait convenu. La question, c'est d'avoir un certain niveau. C'est des études supérieures. Donc ça se fait sur concours ou sur audition ? Alors ça se fait sur concours, qui se passe en avril en fait. Donc on a des journées portes ouvertes en février qui présentent ça. Puis précédemment, il y a un dossier à remplir en janvier en ligne, avec une date limite en février aussi, à peu près au moment des portes ouvertes d'ailleurs. Et ensuite, il y a des concours en avril. Voilà. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça ouvre à deux formations différentes. J'ai parlé de la formation d'artiste, mais aussi la formation professorat de musique. Donc les deux formations peuvent être menées conjointement, on va dire. Après, dans les contenus de formation, le DNSPM, donc le diplôme d'artiste, il est associé à la licence de musicologie. Ça donne un niveau de licence. Donc il y a 3 années à passer comme une licence. Et il y a des cours, un peu de cours à la fac. On obtient, par truchement des cours au pôle Aliénor et à la fac, on obtient 2 diplômes en fait. On obtient le DNSPM et la licence de musicologie en même temps. On ne peut pas les dissocier. Plus le diplôme d'État, DE, donc, qui lui est amené un petit peu après le DNSPM. Ça s'adresse plutôt à des gens qui ont entre 18 et 30 ans, on va dire. Alors ça fait beaucoup de logos, enfin d'acronymes plutôt. Donc il y a le DEM d'abord, ensuite le DNSPM avec la licence, et ensuite le DE, c'est ça ? Oui, alors dans la logique c'est ça. Donc j'ai dit DEM, c'est le diplôme d'études musicales, c'est conservatoire, donc c'est dans la formation initiale des conservatoires. Logiquement les musiciens arrivent avec ce diplôme, mais pas toujours en musique traditionnelle comme je l'ai dit. Et ensuite... Dans l'ordre des choses, on va dire, c'est d'abord le DNSPM avec la licence. Et dans le parcours, on peut y joindre la formation ODE. Voilà, donc dans l'ordre des choses, comment ça se passe, effectivement. Pour bien intégrer cette logique et ces différents acteurs, en fait, ça correspond aussi à différents acteurs, les différents diplômes. On va écouter un morceau de musique. Et donc, ce sera avec un ancien élève, on va dire, de cette formation. Qui est-ce que tu nous proposes ? Eh bien, je propose d'écouter Romain Baudouin, qui est du collectif Art Brut, et qui a fait son DE à Poitiers il y a un petit moment maintenant, dans les premiers DE qui ont été proposés, puisque Poitiers était la première formation DE proposée et la première formation DNSPM aussi en France. C'est vraiment un lieu important des musiques traditionnelles autour de Poitiers, avec le partenariat qu'on a avec l'UPCP Métive. Et tout cela sont membres de la Fédération des musiques traditionnelles où on se trouve dans le stand aujourd'hui. Hari, hari, shibalet, c'est goutiste la prouve, et je m'aime pas, ouent au mercat, quand nous en s'entournons. Hari, hari, shibalet, ouais, arzak, tu ma hachette. Hari, hari, grand shibau, ouais, urtez, tu ma tapau. Barbouillen, mais de herio de glace tut, des chicours melon nickmut, dréma ruen beherio, lampen tut en gueuleau. Raupas, raupas, raupas, autrop, autrop, autrop, au galop, au galop, au galop, au galop. Au pas, au pas, au pas. Au trop, au trop, au trop. Au galop, au galop, au galop. Ah! C'était un morceau de Face No More avec entre autres artistes Romain Baudouin à la Vielle à Roux. Pour plus de détails sur les musiciens et les groupes du collectif Art Brut, vous pouvez écouter ou réécouter l'émission La Face Cachée du Folk qui leur était consacrée cet automne. Vous écoutez La Face Cachée du Folk sur Fadjet 94.2 à Nancy et on retrouve Philippe Compagnon du pôle Aliénor, donc avec qui on évoque l'aspect formation des artistes. Alors bon, j'ai un peu plein de questions dans la tête, mais je vais commencer avec ce mot artiste. Il y a une définition en fait de l'artiste pour justement qu'il y ait un diplôme correspondant à ce statut ou... À la question, il faudrait rajouter peut-être le mot professionnel qui est dans le titre du diplôme, c'est-à-dire que la question c'est de former des artistes professionnels. Et on peut être artiste amateur tout à fait, évidemment, et puis c'est même souhaitable, c'est qu'il y ait beaucoup d'artistes amateurs, pour aussi qu'il y ait des artistes professionnels, tout ça se nourrit l'un l'autre. Mais la formation ne s'occupe pas des artistes amateurs a priori, c'est-à-dire que les professionnels par contre qui sont formés, eux ils sont censés, notamment quand ils sont profs, former des amateurs. Et ça c'est dans la logique des choses aussi, et c'est vraiment important qu'il y ait beaucoup d'amateurs et on en croise beaucoup aujourd'hui dans ce festival. Donc ça, c'est super important. Alors, parmi les personnes qui suivent cette formation, qui peut-être étaient amateurs, se sont formés pour être artistes, tous ensuite ont une carrière de musicien professionnel ou de professeur ? Souvent, l'orientation qui est prise est celle du prof musicien ou du musicien prof. Puisqu'on forme aux deux et que l'intérêt, c'est quand même d'être dans cette dimension de transmission, notamment parce qu'en musique traditionnelle, c'est indissociable. On ne peut pas imaginer la musique traditionnelle sans l'idée de la transmission. Donc la plupart du temps, les gens sont un peu des deux, mais plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre. Voilà. Et cette formation existe depuis combien de temps alors ? Alors, j'espère ne pas te tromper, mais la formation en DE a dû commencer en 1998 ou 99. Et la formation d'NSPM en 2011. Donc avant, il y avait des formations, on va dire, musicales classiques, mais pas de formation traditionnelle, ou alors dans les conservatoires. Oui, oui c'est ça. Enfin, il y a eu une grosse réforme qu'on connaît en 1980 ou 1982, qui a permis aux musiques traditionnelles d'entrer dans les conservatoires. Et ensuite seulement se sont mis en place les études supérieures. Et il a fallu un peu de temps pour ça, on imagine quoi. On va rentrer un petit peu dans le concret de cette formation d'artistes de musique traditionnelle. Qu'est-ce que vous enseignez, quel est le contenu en fait? Qu'est-ce qui est apporté aux étudiants? Alors évidemment, il y a un contenu de pratique musicale de haut niveau, puisqu'ils sont en études supérieures. Il y a des intervenants qui sont des intervenants de haut niveau, connus des musiques traditionnelles. Je vais citer comme ça Jean-François Vreau, par exemple, qui intervient pour le violon et qui est associé au travail de réflexion sur la formation. Bon, et puis bien d'autres, j'en pourrais en citer beaucoup. C'est l'aspect, on dirait, important de la formation, de continuer de se former à haut niveau en pratique musicale. Après, il y a quand même tout l'aspect culturel qui est autour des musiques traditionnelles, qui a été initié déjà autour du DEM la plupart du temps, et qui a été initié dans les régions où ils ont reçu des formations. C'est-à-dire que les musiques traditionnelles, c'est quand même lié à des territoires. Et que c'est des choses qui sont respectées dans la formation, c'est-à-dire que les étudiants arrivent avec une aire culturelle de prédilection, on va dire. Mais ce qui est intéressant dans la formation, c'est que maintenant qu'ils ont ce bagage-là, qui est un bagage acquis, il y a des rencontres qui s'opèrent entre les différentes aires culturelles, les différentes compétences des uns et des autres, et qu'il y ait des croisements, y compris avec les autres esthétiques, c'est-à-dire avec les musiques classiques, avec le jazz, avec les musiques actuelles, etc., musique ancienne, beaucoup. Et tout ça crée un environnement très professionnalisant. Le fait d'avoir des rencontres possibles avec d'autres qui ne sont pas exactement comme soi, évidemment. C'est ça qui est important. Finalement, tu parles de ce qui se passe à l'intérieur de la formation musique traditionnelle ou des ponts qui existent entre les différents types de formations, puisque effectivement, au pôle Aliénor, il n'y a pas que de la formation musique traditionnelle. Oui. Eh ben, je vais te prendre l'exemple de quelque chose qu'on a fait donc en 2018, là, en mai 2018, mars pardon, où il y a eu un travail sur la musique ancienne et la musique italienne, particulièrement du XVIIe siècle, avec un chef d'orchestre qui est venu pour tous les étudiants du pôle, de toute esthétique là confondue. Il y avait des cuivres, des percussions qui ont participé, il y a des gens en musique ancienne. Évidemment, les musiques traditionnelles ont participé à ce projet. Ça a été donné dans le cadre de la programmation du Théâtre Auditorium de Poitiers, donc en mars, et ça a été un gros projet qui a permis à tout le monde de cohabiter, on va dire, ou en tout cas de faire des vraies rencontres musicales. Alors ça, c'est le volet vraiment pratique musical. Je suppose qu'il y a un volet un peu théorique, historique, culturel. Donc si je parle de la formation au DNSPM, dont elle est associée à la fac de musicologie, et donc les cours théoriques sont pas mal à l'université, donc autour de l'histoire de la musique surtout, mais aussi des problématiques qui sont spécifiques aux musiques traditionnelles. Par exemple, il y a un cours sur la chanson de tradition orale francophone, qui est particulier à Poitiers, puisqu'on a une ethnomusicologue qui est spécialisée là-dedans, Marlène Belli, qui travaille avec nous, qui donne des cours aussi au pôle. On essaie de faire en sorte quand même que les cours d'universitaire soient le plus possible adaptés aux musiques traditionnelles, parce que c'est un peu spécifique quand même. Les deux diplômes sont complètement associés. Ça se complète par le fait qu'il y a des cours qui sont donnés au pôle, principalement les cours instrumentaux. Il y a aussi pratique instrumentale collective, évidemment, et certains cours théoriques aussi. Mais il y a les cours théoriques qui sont donnés à la fac sont des compléments qui permettent d'obtenir les deux diplômes, effectivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier. C'est vraiment l'un avec l'autre. Cette formation est relativement récente, finalement. On a passé un premier morceau d'un des musiciens qui est passé par chez vous, Romain Baudouin. Alors on va passer un deuxième morceau dans un autre répertoire, avec un ancien élève également de cette formation. Il s'agit de Basile Prémaux, qui joue du violon. Et ici, il est avec Hervé Capel dans le duo Artense. Thank you. Le duo Hartense avec au violon Basile Brémaud. Basile qui était passé par la formation du pôle Aliénor. Vous écoutez la face cachée du folk sur Fadjet 94.2 à Nancy. On a évoqué avec Philippe Compagnon donc, la formation, le contenu, le personnel à qui ça s'adresse. Mais tout ça, ça a un coût. Tu peux nous donner une idée là, pour les musiciens qui seraient intéressés de combien ça coûte et si éventuellement il y a des bourses. Voilà, comment ça se passe pour financer? Alors, chaque formation, il y a une inscription, comme dans toutes les études supérieures, il y a une inscription, et l'inscription coûte 260 € à l'année. Ce qui, en fait, ne couvre pas, évidemment, les frais pédagogiques qui sont assurés par les subventions d'État, puisque c'est une mission de service public d'État qu'on a, donc d'État et de la région, si Nouvelle-Aquitaine maintenant. Et un peu la ville de Poitiers. Donc voilà, ce sont les financeurs qui permettent aux étudiants de venir et de suivre des études. Comme pour d'autres études, c'est la collectivité qui assure le coût pédagogique. Alors, il y a des bourses qui sont les bourses habituelles du CROUS, puisque c'est des études supérieures, on est lié à l'université. Donc voilà, ça fonctionne comme n'importe quelle bourse habituelle des études supérieures. Ça fonctionne de la même manière. On a beaucoup parlé de Poitiers. Tu me disais que ça existe également à Rennes, hein? En fait, il y a deux centres en France qui proposent la formation au DNSPM. C'est le pont supérieur de Rennes-Nantes et puis le pôle Aliénor de Poitiers, donc Poitiers-Tours, puisqu'on a aussi des étudiants qui sont au conservatoire de Tours. Au conservatoire de Tours, ce sont les cuivres et les percussions qui sont là, parce que ça correspond à une formation possible à cet endroit-là. Mais c'est quand même le pôle Aliénor qui gère l'ensemble Poitiers-Tours. On a aussi relation régulière avec le pont supérieur de Rennes, puisque les étudiants se rencontrent au moins une fois à l'année sur un projet particulier de stage de réalisation. Voilà, cette année, on a fait une réalisation autour d'un musicien qui est venu, qui s'appelle Fred Pouget, et qui les a fait travailler sur des morceaux de son cru, mais qui sont des morceaux de musique traditionnelle aussi. Voilà. Et tu évoquais des instruments, effectivement, on n'en a pas trop parlé. Cette formation s'adresse à des musiciens, quels que soient leurs instruments. Oui, théoriquement, quels que soient leurs instruments, on va dire. C'est-à-dire que c'est quand même plus compliqué d'accueillir un pianiste en musique traditionnelle, parce qu'il faut trouver un prof qui, à haut niveau, qui fait de la musique traditionnelle au piano, et ça, pour trouver, c'est pas simple. Mais on pourrait penser que n'importe quel instrument est possible, dans le cadre, mais à condition d'avoir, encore une fois, un prof, et surtout une anticipation, une adaptation aux musiques traditionnelles, ce qui n'est pas le cas de tous les instruments. On voit ici quand même que ça tourne autour du violon, accordéon, cornemuse, vielle, etc. Les instruments, et puis chant, nous n'oublions pas le chant quand même. Le chant, c'est une grande partie des musiques traditionnelles. D'ailleurs, dans la formation, les étudiants, quel que soit leur instrument, ont affaire au chant et à la danse systématiquement. Donc on a évoqué les différents instruments, et au final, on se retrouve avec combien de personnes qui s'inscrivent environ par année ? Alors, c'est variable, mais en général, il y a 2 ou 3 étudiants qui rentrent par année. Et comme ils fonctionnent sur 3 années au niveau du DNSPM, l'année dernière, par exemple, ils étaient 7 étudiants, toutes formations confondues, DNSPM, DE, en musique traditionnelle. Après, sur l'ensemble du pôle, il y a 100 d'étudiants. Donc, c'est de la formation aux petits oignons, ça. C'est quasiment du cours particulier. C'est pas du cours particulier, bien qu'il y en ait. C'est-à-dire que, évidemment, à haut niveau, il faut qu'il y ait une relation maître-élève poussée. Donc, il y a non pas des cours particuliers, mais des cours individuels, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas à la maison, je veux dire. C'est vraiment au pôle que ça se passe, avec des conceptions pédagogiques particulières qu'on discute avec les profs, évidemment. Après, dans le contenu des formations, il y a un aspect professionnalisation qui est vraiment important. C'est-à-dire que, évidemment, on est sur des formations professionnalisantes. Et la question, c'est d'emmener les étudiants à être efficaces, efficients, au sortir de leur formation, et être en capacité à vendre ce qu'ils font, si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est nécessaire d'avoir aussi des éléments de formation qui leur indiquent comment être, comment faire. Et là, dans la forme, la formation va évoluer sans doute, notamment vers ce que la FMDT met en place depuis quelques temps autour du compagnonnage avec des maîtres. Et puis aussi, ça c'est la forme pour la pratique musicale, hein. Mais aussi on envisage de faire un travail en alternance avec des scènes, comme pourraient l'être celles qui sont plus proches de nous, comme pourrait l'être l'UPCP Métive ou la scène du nouveau pavillon à Nantes par exemple. On envisage donc d'envoyer des étudiants en alternance sur une année, faire un projet et se confronter au travail de scène vraiment de manière pointue, quoi. Donc ça, c'est important. Ces aspects professionnalisants vont être de plus en plus mis en place de manière pragmatique aussi, pour que ça fonctionne. Ça, c'est important. Après, on envisage aussi de travailler différemment que jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il y avait des cours semaine à la semaine, réguliers et tout ça. Et là, on pense mettre en place des formations plutôt sous forme de stage d'immersion une fois par mois, où on est trempé soit dans un lieu, soit dans un thème, soit etc. Enfin, voilà, dans des rencontres possibles aussi. Et puis, il y a plein de formules différentes possibles. En tout cas, pour les musiques traditionnelles, il y a quelque chose de particulier. Historiquement, former en musique traditionnelle et former en institution, c'est quand même très très récent. Donc il faut des adaptations à ça. Et les acteurs. C'est très récent, mais on sent quand même une évolution des musiciens eux-mêmes, en fait, depuis 20 ans. Si les musiques traditionnelles évoluent ou deviennent trad actuelles, voilà, inscrites dans les musiques actuelles, en tout cas, c'est aussi parce que ces musiciens se professionnalisent et puis touchent à plein d'esthétiques différentes. Oui, absolument, mais ça fait partie justement des éléments professionnalisants. C'est obligatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire des rencontres avec les autres et qui ne sont pas comme soi, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est c'est immanquable. C'est-à-dire que tout musicien artiste, on ne peut pas imaginer qu'il reste dans une forme toujours la même et centrée sur quelque chose de très resserré, non seulement sur le plan du territoire, mais aussi sur le plan de la pratique artistique elle-même. Donc oui, c'est un aspect important de pouvoir rencontrer et travailler avec d'autres. Par exemple, la question de l'oralité en musique traditionnelle est très importante. Il n'empêche qu'on rencontre aussi des musiciens qui, eux, fonctionnent différemment et qu'il faut travailler avec eux et que ça s'apprend. Dans les formations, c'est quelque chose qu'on met en place, par exemple. Alors avec toutes ces informations, peut-être que certains auditeurs voudront s'inscrire pour compléter leur formation musicale et obtenir ce diplôme d'artiste. Comment est-ce qu'ils peuvent contacter le pôle Aliénor, auprès de qui ils s'inscrivent, etc. Alors, il y a un site, évidemment, on a un site hein, qui, si on tape pôle Aliénor, on trempera dessus, hein, c'est www.polealienor.eu. Et puis, on peut contacter, sur le site, c'est indiqué, il y a le contact possible par mail et le numéro de téléphone du centre. Et on peut m'appeler, moi, particulièrement pour les musiques traditionnelles, donc Philippe Compagnon, je suis coordinateur pour les musiques traditionnelles au pôle Aliénor. Avec quel numéro ? On peut me contacter donc au numéro du pôle, c'est-à-dire le numéro suivant, 05 49 60 21 79. 05 49 60 21 79. Merci beaucoup. On se quittera avec un dernier morceau d'un enseignant, puisqu'il y a Sylvie Berger, Solange Panis, Julien Barbance, Philippe Ancelin, tout ça font partie des enseignants. Donc on peut aussi les mettre en avant. Absolument. Et c'est des enseignants de qualité, vous pensez bien. Donc, qui produisent aussi. Et c'est important que les étudiants croisent cela, évidemment. Oui, des artistes, mais qui, du coup, ont aussi une vocation pédagogique, qui n'est pas forcément innée à chaque... Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est rare que les artistes en musique traditionnelle ne soient pas intéressés de toute façon par la question de la transmission. Et donc, immanquablement, on les retrouve aussi dans les lieux de formation. C'est nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Ce dernier morceau est extrait de l'album solo de Julien Barbance, produit par la EPEM. Et là, pareil, on en a parlé dans différentes émissions sur la face cachée du folk. La face cachée du folk, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 21h. En attendant, pour réécouter ce programme et les précédents, rendez-vous sur www.fadjet.net/lafacecachée du folk, mais aussi sur Mixcloud. Pour être au courant des prochaines interviews, abonnez-vous à la page Facebook. Et n'hésitez pas à me contacter via Fadjet. À la semaine prochaine! Merci.